Eleni Gang. Hey mama, me no free. Devant ta parole, mon orgueil n'est que bricole. Ma douleur en ta parole, ma foi ne joue plus aucun rôle. Chérie, dans ta tour, la colère n'a guitare. Prenons mon cœur, par amour à le monde en folle. Oh, ma petite, au cœur, bébé, bébé, bébé. Est-ce que je sais, n'a pas que j'en prie deux. À la mouka, foi, c'est la meilleure promesse. Roger Bouche Bouchier, Polaire Catalay, Dani Benderial de Madrid, Willy Moussini, Président Chimanga Vidier, Poupette Moumene, Paolo Tudilou.